Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 47e numéro du MAG, le MAG du 7 juin 2016, durant lequel nous allons revenir sur l'essentiel de l'actu des comics en VF et en VO, mais aussi sur les news télé et cinéma. En fin d'émission, comme nous l'avions fait la semaine dernière, vous aurez droit à un petit point concernant les numéros Rebirth de DC Comics après le générique de fin, avec très très peu de spoilers, a priori même pas de spoilers. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 47e numéro du MAG. Et avec moi, le tandem habituel du MAG, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va faire le petit instant prostitution en début d'émission. Tiens, ça va changer. On va faire une petite variante. petit instant prostitution pour vous remercier de vos messages et commentaires récemment là sur les pages Facebook et Twitter, les petits messages privés, etc. pour nous donner votre avis sur Rebirth, des choses comme ça, discuter un petit peu avec nous. Ça fait toujours plaisir. C'est super sympa. Donc, ben, continuez. Laissez des commentaires aussi sur le site. Envoyez-nous des mails si vous avez des questions, des propositions de sujets pour Comic Stories présente, qui est pour le moment en sommeil, mais qui n'est pas morte. Ça se passe sur redac@comicstories.fr. Oui, en sommeil et pas morte, tout simplement parce qu'on a tellement de choses enregistrées du côté de sur nos écrans en ce moment qu'il n'y a même pas question. Voilà, plus ce qui serait plus pour l'été, les Infinity Wars qui vont revenir. Enfin, voilà. Il n'est même pas question de faire des Comic Stories présentes pour le moment, mais c'est pas mort. On en refera. Ce petit point communication étant fait. Sachez également que nous avons posé une question sur la page Facebook concernant les FCBD, une question pas innocente du tout. S'il y en a qui souhaitent y répondre encore, il y a encore du stock. Voilà. Du côté de la télé, allez, on aurait pu vous parler de quoi ? De ce qui ressemble au plus grand crossover de l'histoire de la télé qui aura lieu la saison prochaine sur CW. Alors dit comme ça, c'est assez impressionnant quand même. Ouais. Mais après, t'as les noms. Il faut voir la qualité après. Voilà, donc nous aurons un crossover en quatre parties, ça a été confirmé par Pedowitz, le boss. Ah, c'est confirmé? Oui. Il y aura bien un crossover en quatre parties, this fall, dit-il, donc sûrement avant la coupure de mi-saison, qui aura donc pour première partie le lundi Supergirl, le mardi The Flash, le mercredi Arrow, et tout ça se terminera dans la joie dans l'épisode du jeudi de Legends of Tomorrow. Ouais! Youpi! Youpi! Alors oui, bon, voilà, hein, quand on connaît le niveau de ces séries l'année dernière, effectivement, mais quand même, il y a quelque chose quand même d'assez ambitieux à vouloir faire une histoire sur quatre ouais, parties. Ouais, enfin, on voit ce que ça fait quand ils veulent faire des trucs ambitieux. Déjà, ouais. Sur deux parties, ils ont un peu de mal. Hein. On a eu trois parties l'année dernière, hein, avec les Jobs of Yesterday, Today et Tomorrow. Mais ça fait deux. Ça fait que deux. Yesterday, Today. Yesterday dans Flash, Today dans Arrow, et on avait eu Tomorrow dans le pilote, en fait. Ah oui, ouais, c'était quand même très lié, les trois. Hein. Oui, mais ah c'était oui, en décalé vrai. Aussi. Oui, il y avait eu la coupe. Alors que là, ça va être quatre soirs de suite, donc ça va quand même être une semaine un peu événement pour les fans de DC et des séries de la CW. Voilà, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit au mois de novembre. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils évaluent les annonces publicitaires, le coût des annonces publicitaires. Donc c'est souvent à ce moment-là que t'as des gros événements à la télé. Avec un événement comme ça, c'est sûr que les annonces peuvent flamber. Voilà. Et puis, du coup, ça serait un timing pas trop mal de le faire assez tôt dans la saison. Ça pourrait être la résolution d'un éventuel Flashpoint. Ah, oui. Ouais. Donc voilà, pour redonner après la direction pour la fin de la saison, c'est pure spéculation, et de toute façon on m'a dit qu'on aurait pu vous en parler, donc on va s'arrêter là. ce qu'on avait choisi vraiment de développer, c'était quelque chose qui fera plaisir à Arnaud, dont moi je me fous un peu, mais aussi. Du coup je te laisse t'en parler, Arnaud. Oui, puisqu'il n'y a que moi que ça intéresse apparemment. À moitié. À moitié, c'est déjà ça, c'est déjà une amélioration. Et donc, c'est la officialisation de la commande de Legion, qui est une série en 8 épisodes pour la première saison, qui en fait se déroule dans l'univers des X-Men, qui ne sera pas lié au film, par contre. Bon, c'est pas mal, hein. Oui, c'est sûr. Mais ça se déroule dans l'univers des X-Men, puisque le personnage principal, c'est le fils du professeur X, tout simplement. Mm-hmm. Même si on ne sait pas si dans la série, ce sera son fils. Mais dans les comics, il l'est. Et donc, c'est une série... Donc, Legends, c'est une série donc en 8 épisodes qui débutera début 2017 sur la chaîne câblée FX. Et c'est créé par un grand monsieur, qui est Noah Hawley, qui est déjà le créateur de Fargo, une série exceptionnelle et adorée de la critique et du public. Donc, ça s'annonce plutôt bien. enfin du public qui la regarde, parce que du coup... Oui, mais bon, si vous regardez pas les bonnes séries, si vous préférez regarder Legends of Tomorrow, c'est pas ma faute. Et du coup, pour le casting, vite fait, même si on en avait déjà parlé, donc dans le rôle principal, il y a Dan Stevens, qu'on a vu dans Downton Abbey, qui a donc joué David Ayler, le fils de Charles Xavier, qui est un homme qui, depuis son adolescence, a des problèmes mentaux, sauf qu'il est considéré comme schizophrène, sauf que c'est peut-être pas forcément la schizophrénie, mais plutôt ses pouvoirs, plutôt la manifestation de ses pouvoirs, disons. Et du coup, quand la série commence, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique et on va faire connaissance avec d'autres personnes qui sont jouées par Rachel Keller, qu'on a aussi vu dans Fargo avec Jean Smart, et Aubrey Plaza, qui était génial dans Parks and Recreation, et quelques autres comédiens moins connus. Mais moi, c'est la série m'intrigue, et FX, en général, fait de très bonnes séries, donc pourquoi pas. Est-ce que tu crois que l'hôpital psychiatrique sera le même que celui de Matt Ryan? Ça peut être une bonne idée, peut-être un petit crossover. Mon Dieu. Alors, je vais vous dire quand même pourquoi je suis à demi intéressé. À demi pas intéressé, du coup, parce que, oui, c'est très bien, c'est Légion, c'est un personnage intéressant, qui a un potentiel pour une série télé, en plus. Mais, voilà, on nous annonce déjà qu'ils vont pas utiliser du tout les personnages principaux de l'univers X-Men. On sait même pas s'ils vont les mentionner. Et quand t'as un père qui s'appelle Charles Xavier, c'est quand même un petit peu emmerdant. Donc, j'aimerais bien que ça soit adressé et que ce soit un peu plus dans la mythologie. Après, voilà, à voir la direction qu'ils vont prendre, mais au moins qu'on puisse adresser certains noms et faire un peu, ne serait-ce que du name dropping. Évidemment qu'on va pas voir Cyclops sur FX, mais au moins du name dropping, voilà. Apparemment, faut pas s'attendre à quelque chose d'action à la Agents of S.H.I.E.L.D. Non, non, clairement pas. C'est clairement pas le but du créateur, il l'a dit, il veut vraiment interroger certaines questions autour de des maladies mentales et tout ça. Mais c'est pas du tout faut pas s'attendre. Quand tu regardes Fargo, c'est un rythme très lent, mais c'est pas du tout, ça a rien à voir avec le reste qu'on peut voir chez Marvel. Et puis le personnage, du coup, se prête plus à ce genre d'histoire. Oui, on peut faire des histoires d'action, histoires super dynamiques avec Légion, mais voilà, quand même, il y a des choses un peu plus de fond à traiter, et donc voilà, c'est pas mal. Et pourquoi demi-intéressé? Parce que c'est 8 épisodes à plus. Oui, et pour la première saison. Et ça fait vachement plaisir et ça rend beaucoup plus optimiste parce qu'il y en a un petit peu marre de toutes ces saisons à rallonge, 22, 23 épisodes qui traînent en longueur et qui ont des ventres mous assez incroyables en plein milieu. Voilà, là on part pour 8 épisodes, ça va être un truc plutôt bouclé à la John Carter au niveau du nombre d'épisodes et de la durée. Voilà, c'est déjà moi, ça m'accroche plus. Je me dis, si j'aime pas, au pire j'en ai que pour 8 épisodes et je suis pas parti pour. Voilà, parce que j'aime bien aller quand même au bout des saisons que je commence, donc. Non, c'est sûr. Donc, l'histoire sera plus recentrée et ça peut être intéressant. Donc, 2017, hein, pour Légion. Début 2017, ouais. Adam West et Burt Ward. On est dans les 50 ans de Batman 66, donc évidemment, ces deux personnes sont un peu au centre des attentions du côté des fans. Et ils ont annoncé cette semaine, au détour d'une session de questions-réponses, qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau projet. Alors, ils n'en ont pas dit plus. Ils n'ont pas dit que ça serait de la série télé, du comics, machin. Ils ont été interrogés. Voilà, il y a eu plein de questions pour essayer d'en savoir plus. Rien n'a fuité de leur part. Ils n'ont rien dit. Voilà. Ils préparent quelque chose, Adam West et Burt Ward. Ils ont juste dit, ce sera bien leur Batman et leur Robin dans ce projet-là, mais on ne sait pas. Mais c'est pas la première fois, il me semble que il y a un des deux qui avait déjà dit quelque chose comme ça à une convention il y a plusieurs mois. Donc c'est les 50 ans de la série, effectivement, ça serait bien le moment de faire quelque chose, un nouveau projet. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas. Je mets une petite pièce pour la CW. Oui. Un caméo. Un caméo dans le cadre d'une éventuelle chose autour des terres parallèles, etc. Voilà, on nous a raccroché John Wesley Shipp, et du coup on a un Jay Garrick un peu vieillissant. On sait qu'on a la JSA qui arrive aussi du côté de Legends. Pourquoi pas, voilà. Ouais. Moi ça me ferait triper, franchement, voilà. Mais après c'est du pur wild guess. En tout cas, ça fera plaisir de les retrouver. C'est sûr. Allez, Comics VF maintenant. On aurait pu vous parler de rien du tout, puisqu'il se passe pas assez grand chose du côté de la VF cette semaine. On a juste deux choses concernant les annonces des éditeurs français. Clémence, tu veux bien te charger de Panini? Oui, donc là, c'est des annonces pour la collection Deluxe. Tout d'abord, donc la suite de New Avengers qui va être publiée en août et de Secret Avengers en septembre et dans la collection Marvel No, on aura Captain America et X-Men qui vont arriver à leur terme au mois d'août. Voilà, donc les séries du Marvel No seront bouclées pour Captain et pour X-Men, la série avec les X-Women de Brian Wood. Voilà, ça sera terminé en août. Et puis pour les Deluxe, bah tout ça continue. Et puis du côté de chez Bliss, Arnaud, une semi-bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour eux. Oui, c'est sûr. Nous, il faudra être un petit peu patient. C'est en fait le report de la sortie de Divinity, qui devait sortir cette semaine, le 9 juin. Jeudi ou mercredi. Mercredi. Non, vendredi. Jeudi. Ouais, on s'en fout. Bref. Non, jeudi. Ouais. Et finalement, c'est décalé à la fin du mois pour le 25 août. Et non, 25 juin. 25 juin, oui. Oula, ça ferait beaucoup le 25 août. Au 25 juin. Et donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle pour nous. Mais la bonne nouvelle, comme tu disais, c'est qu'en fait, la sortie est décalée parce que il y a une demande importante. Et du coup, ils doivent prendre le temps pour retirer des albums hein, et les envoyer aux librairies, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre l'importance que Valiant a en France en ce moment. Ça confirme, voilà. Certes, il y a eu beaucoup d'achats de The Valiant et de Bloodshot Reborn, on le sait, The Valiant est épuisé. Mais du coup, cette surcommande de Divinity est très bon signe, puisque du coup, ça veut dire que The Valiant a plu et que les gens veulent revenir sur les autres. Et du coup, The Valiant est, comme tu disais, épuisé et va être de nouveau disponible aussi fin juin. Voilà. Et du coup, The Valiant est même épuisé sur Amazon maintenant. Qui avait pourtant de gros stocks. Voilà, donc du coup, c'est le succès pour Bliss, du coup, qui se confirme avec cette surcommande. Bliss qui a voulu y aller doucement, on ne peut que les comprendre. Aquileo, ça fait pareil avec Doctor Who, et rappelez-vous, ils se sont retrouvés coincés aussi à être obligés de repousser de quelques semaines leur titre, parce que trop de demandes pour les albums des nouvelles aventures des Docteurs, qui sont maintenant disponibles en librairie. Ils devaient sortir début mai, on nous l'avait dit à la PCE, puis finalement, ça avait été repoussé à début juin. Ça y est, tout est sorti, tout est en librairie, et voilà, ils ont dû repousser un petit peu pour pouvoir satisfaire la demande de tout le monde plutôt que de faire un tirage partiel qui serait épuisé très vite et de repartir sur un deuxième tirage. Voilà, coucou DC pour DC Rebirth. Ouais, voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle pour Bliss parce que The Valiant et Bloodshot Reborn, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais c'est exceptionnel. J'ai vraiment adoré. Et là, je suis en train de lire Quantum and Woody et pareil, c'est vraiment très bon. Ce que je voulais proposer justement, mais je vais le faire maintenant, c'est que dans les trois prochains mags, le comics de la semaine en VF, ce soit un de ces trois albums-là. Voilà, comme ça, sur les trois semaines, on vous fera The Valiant, Bloodshot Reborn et Quantum and Woody. On vous parlera de tout ça et puis ça vous emmènera pile sur la sortie de Divinity. Le calendrier est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, on commencera avec The Valiant la semaine prochaine. Ça sera le comics du coup de la semaine en VF. Voilà, du coup c'est bon pour Bliss Comics, ouais, c'est bon pour Aquileos aussi, et du coup pour tous les petits éditeurs et les titres un peu confidentiels, et ça confirme plutôt la bonne forme du marché comics en librairie. Oui, et en France. Et en France, ouais. Ça se casse un peu la gueule aux USA avec certaines conjonctures en ce moment. On verra ce qui va se passer avec Rebirth, si ça va relancer un petit peu la machine ou pas. Mais en tout cas, en France, voilà, tout se porte bien et le format librairie n'a jamais été autant en forme malgré la multiplication des éditeurs. Donc c'est très très bien. Allez, cinéma maintenant. On aurait pu vous parler de la révélation de Geoff Johns qui nous a appris que le titre du film Justice League serait Justice League. Non, c'est pourtant rien dire, quoi. Donc, non, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine comme quoi il y aura un petit sous-titre à Justice League, ce serait Justice League, Gods Among Us, Gods Among Men. Enfin, il y avait plein de sous-titres comme ça qui fuitaient en rumeurs. Et Geoff Johns a voulu arrêter ça par un tweet en disant le film Justice League Movie s'intitulera Justice League. Point. Et puis tout le monde s'est foutu leur gueule aussi à cause de Batman v Superman, Dawn of Justice. Quand c'était trop long et tout le monde se foutait de leur gueule. Donc peut-être qu'il y aura un sous-titre, mais en tout cas pour le moment il n'est pas décidé. Voilà aussi ce que voulait dire Geoff Johns. Il y aura une AVP de Killing Joke à San Diego, et tant mieux. Mm-hmm. Mais les choses les plus intéressantes pour nous, et allez, tiens, cadeau pour toi Arnaud, retour d'un personnage dans le giron de Marvel pour le cinéma. Oui, on en parle, mais non, on n'en parle jamais d'ailleurs. Oh non. Mais... un personnage que je n'attends pas, que je ne veux pas voir spécialement. Et surtout, un concurrent chez DC va arriver sans doute avant. C'est Namor. Hein. Avant ou en même temps? Oui, c'est Namor, puisque Namor, c'est le roi de l'Atlantide, comme Aquaman. Mm-hmm. Et donc, les droits appartenaient à Universal, il me semble. Et Kevin Feige avait dit qu'il y avait des soucis avec le personnage parce que c'est comme plein de personnages chez Marvel, il y a les droits appartiennent en partie à un studio et en partie à Marvel et du coup tout n'appartenait pas à Marvel pour faire un film comme les droits de Hulk. Et sauf que cette semaine, c'est Joe Quesada qui est le, alors je sais même pas comment on traduit ça en France, en français, Bah, le c'est Chief Creative Officer. l'équivalent de Geoff Jones, c'est DC, c'est celui qui est censé donner la direction en termes de. Ouais, mais comment tu traduirais ça en français? Bah, c'est le directeur artistique, un peu. Directeur Enfin, ouais, artistique? rédacteur D'accord. artistique, enfin, ouais. Ah, quelque chose dans le genre là. Donc quelqu'un de haut placé chez Marvel, donc il doit savoir de quoi il parle. Hein. Et donc il a annoncé dans le podcast de Kevin Smith que le personnage, enfin que les droits du personnage étaient de retour chez Marvel Studios. Donc est-ce que ça annonce un film Namor pour la phase 4? Bah, c'est possible, où Namor pourrait apparaître peut-être plus tôt qu'on le pense, parce qu'on connaît son histoire avec Black Panther, alors que leur opposition un peu permanente, c'est entre ces deux-là. Donc du coup, voilà, effectivement, Namor est un personnage qui est assez lié à Black Panther dans l'histoire, notamment en question de querelle amoureuse et compagnie. Mais c'est pas comme Ce qu'on n'a pas encore vu dans Marvel Studios, tout ce qui est querelle amoureuse, machin, ça pourrait être intéressant du coup. Donc bah voilà, guetté pour Namor. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un réalisateur pour le film Flash. Est-ce que tu veux en parler, Clément, ou est-ce que tu préfères la prochaine? bah, je t'avoue que je préfère ni l'un ni l'autre, donc je peux en parler. Eh bien, vas-y. Oui, donc ça a été annoncé cette semaine. On connaît enfin le réalisateur du film The Flash. Donc ce sera Rick Famuyiwa, ça dit comme ça? Probablement. Probablement. Je te fais confiance. Ouais, Ouais, on Rick va dire ça. Famuyiwa. Famuyiwa. Et visiblement, il n'a pas fait la dose. Il a fait qu'un seul film pour le moment, si je comprends bien. Oui. Alors là, on se retourne vers le monsieur cinéma de l'équipe, c'est Arnaud. Ou alors il a fait des courts-métrages avant, je sais pas, Ouais, mais il n'a pas l'air. c'est. Il a fait que Dope de connu, mais qui a eu un énorme succès à Sundance et en salle. Voilà, donc c'est un peu inconnu quoi. Bah, c'est le précédent qu'ils avaient choisi avant Seth Graham Smith. Il avait jamais réalisé aucun film. Et il avait quand même écrit avant des scénarios de Booz. Il avait écrit le scénario de Pride and Prejudice and Zombies. Ah oui, d'accord. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Hein. Bah, c'est des chefs-d'œuvre, ça. Donc, Ouais, c'est je un peu crois le meilleur. qu'on finalement, même si comment Rick machin là, il a réalisé qu'un seul film. Qui est un bon film, c'est toujours mieux que le C'est précédent. sûr. Ouais, voilà. Donc du coup, voilà, un réalisateur pour The Flash. On va voir si celui-ci va rester et sinon, combien de temps il va rester. En tout cas, on va suivre tout ça. Ça sent pas bon ce film Flash de toute façon, donc Ah je non, complètement. suis pas très confiant, Moi même non plus. dans le fait que ce réalisateur reste, je suis même pas très sûr, quoi. Bref, on va passer à la suite. Quelque chose qui tournait en rumeur. The Rock, décidément, va s'attacher au film comics du côté de chez DC, voilà, hein, puisqu'on sait qu'il va jouer Black Adam. Dans l'univers de Shazam, mais il nous teasait depuis un petit temps, voilà, un autre personnage, Doc Savage. Donc, on savait qu'il y avait un film par Shane Black qui était en préparation pour Doc Savage. Doc Savage, qui est le premier super-héros entre guillemets avant Superman, hein, il date de 1933, Doc Savage. Donc du coup, voilà, maintenant c'est confirmé. Dwayne Johnson, donc The Rock, jouera Doc Savage dans le film de Shane Black qui rentrera en tournage en 2017. Ouhou, Bah. youpi. Alors ouais, bah j'aurais. Bah, s'il y a un acteur, voilà, que j'aurais pas vraiment trop vu dans un film, voilà, comics. Déjà, c'était bien lui. Puis alors, Doc Savage, j'avoue, je suis un peu surpris. Maintenant, j'attends de voir. Bah, c'est surtout pas, honnêtement, c'est la première fois que j'entends ce nom, Doc Savage. Je Ah bon? connaissais pas. Non, honnêtement, je Moi ne non connaissais. plus. C'est un personnage hyper important des années 30. C'est un personnage pulp. Mais tout le monde l'a oublié. Non, non, non. Il y a des comics Doc Savage hein, qui sont sortis il y a pas longtemps. Je crois qu'en Kama, on a même publié quelques-uns. Ah bon? Si, si, Ah, il y a enfin, quand même. qui lit Ankama? Trois personnes dans toute la Non, moi France. je lis Ankama et j'aime bien cet éditeur. Coucou Ankama. Mais c'est juste que c'est peu connu. Je suis allé voir le Oh non, quand même. film. Non, Ankama. Ankama en France, Non, non, je parle de Doc Savage. Ah! c'est moins connu que Superman, c'est sûr, et surtout en France, à mon avis, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un personnage très très important. Et voilà. Qui a marqué aussi l'histoire des comics. Donc voilà, bah on va suivre The Rock en Doc Savage, ça nous fait un film de plus à venir. tout ce que j'ai à dire. Du côté des comics VO, ben, j'aurais franchement bien aimé vous donner les chiffres de vente du mois de mai, parce qu'il y a un vrai suspense autour de ça. Malheureusement, on n'est que le 5 juin quand on enregistre. Les chiffres de vente sortent plutôt autour du 7 ou 8 juin, donc ça sera après la diffusion a priori de ce mag. Donc on vous en parle la semaine prochaine, mais il y a un vrai enjeu autour des chiffres de vente de mai entre DC et Marvel, voilà, entre DC Rebirth, entre Civil War 2 et compagnie. Voilà, il y a Captain America numéro 1. Voilà. Là, la lutte est vraiment ouverte, personne n'a communiqué. Voilà, je suis pressé de pouvoir en parler la semaine prochaine. Du coup, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a bien un second printing pour les 4 titres Rebirth de la semaine, qui ont été épuisés également. Steve Rogers, Captain America numéro 1, avec le fameux cliffhanger de fin, et lui aussi sold out, il aura droit à un deuxième print, et on a appris la préparation d'un troisième print pour le DC Universe Rebirth numéro 1, comme on vous le disait la semaine dernière. Voilà pour les comics VO, et puis du coup, voilà pour l'émission. Ça a été super vite, je me rends compte, là, dis donc. Mais il nous reste quand même un petit truc à faire après le générique. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si vous n'avez pas lu les singles Rebirth de cette semaine en VO, et même si je vais a priori pas les spoiler en vous en parlant, et que vous souhaitez vous arrêter là, eh bien on vous dit à la semaine prochaine. Nos prochains rendez-vous, c'est sur nos écrans Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3. C'est pour jeudi, a priori, ou vendredi. Et puis Arrow, saison 4, c'est, je sais que vous l'attendez, c'est pour ce vendredi. Nous aussi. Et puis après, on va s'enchaîner Legends of Tomorrow, Gotham, Supergirl, Lucky Man. Donc voilà, il nous reste donc 6 bilans de saison à faire. Et puis après, on vous fera un bilan global de cette saison télé. Si vous avez, vous, un premier bilan à nous faire, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail, vos séries préférées, ou via Twitter, Facebook, etc. Vos séries préférées de la saison, vos surprises, vos mauvaises surprises, vos coups de gueule, etc. Bah, n'hésitez pas, ça peut être l'occasion, pendant notre grand bilan de saison, d'en faire l'écho. Prochain mag, le 14 juin, mardi prochain. On se retrouve après le générique pour ceux qui veulent entendre parler des singles Rebirth de la semaine, et pour les autres, à la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Au revoir. Donc, on se retrouve après le générique, comme prévu, pour vous parler des 4 singles DC Rebirth de la semaine que je suis le seul à avoir lu. Oui. Vous me confirmez? Oui. Donc, je vais essayer de ne pas spoiler du tout. Juste quand même donner mon avis, parce que voilà, on vous l'a promis sur Facebook, donc on va le faire. Sur ces 4 titres, qui clairement, dans l'ensemble, ne révolutionneront pas l'histoire des comics comme aurait pu le faire DC Rebirth la semaine dernière. Déjà, on va se mettre d'accord là-dessus. On n'est pas là-dedans. Un miracle ne peut pas arriver chaque semaine. Ouais. C'est ça. Surtout quand je vais vous annoncer les gens qui ont écrit. Batman Rebirth. Batman Rebirth numéro 1 pour commencer. Co-écrit par Scott Snyder et Tom King. Et dessiné par Michael Ranin. Sublimé par Michael Ranin. Parce que pour le coup, par rapport à Capullo, je trouve qu'on perd pas au change du tout. Ah bah c'est bien alors. C'est beau, c'est très beau. Même si Batman a un peu des airs de Dick Grayson, ça reste très. Oui, enfin, sur la couverture, il a l'air plus mince. Ouais, Batman, même Bruce Wayne au niveau de son visage et tout. Enfin, j'ai l'impression de voir Grayson, mais en même temps, il a dessiné Grayson pendant quelques mois, hein, Michael Ranin. Donc voilà. Alors, bah, qu'est-ce qu'on voit dans ce Rebirth d'intéressant? Je vais pas vous en dire plus que ce qui se passe dans les sollicitations. C'est une histoire autour du Calendarman, qui est un ennemi de Batman un peu oublié, qu'on n'utilise pas très souvent, que Scott Snyder a voulu ressortir, parce que Scott Snyder va travailler sur les méchants dans All-Star Batman. Donc du coup, il voulait une histoire qui tournait autour d'un méchant. Donc là, on sent que tout ce qui concerne le Calendarman, c'est la partie écrite par Scott Snyder. Et en plus, ça se sent, mais vraiment, quoi, dans le style et tout. Hein. Et tout ce qui concerne un petit peu la suite de ce qui attend Batman, ben, on sent peut-être plus la patte de Tom King, et j'ai envie de dire peut-être plus la finesse en fait. Voilà. Que vous dire, voilà, c'est un numéro surtout très introductif qui est destiné à faire la transition. Si vous n'avez pas lu les New 52, bah c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à apprendre. De toute façon, voilà, vous avez les premières pistes de à quoi ressemble l'univers de Batman dans cet univers Rebirth, notamment concernant un personnage qui a été introduit par Scott Snyder, qui est Duke Thomas. Voilà. On le croise dans ce numéro, on nous tisse quelque chose pour lui, et puis finalement on va découvrir au détour d'une page que non. Et ça, c'est enthousiasmant ce qui arrive, je trouve, concernant Duke Thomas. Je trouve que c'est intéressant. Bah, le personnage est déjà intéressant. Ouais, et ce qu'il sera, moi, ça m'intéresse. Du coup, tu verras quand tu vas le lire. Bah, moi, pour le moment, je suis que sur We Are Robin. Et dans ce titre-là, c'est vraiment l'un des nouveaux persos qui a été introduit dans l'univers DC. Je trouve qu'il est vraiment l'un des meilleurs nouveaux personnages. Il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant et le rôle qu'il va prendre, moi, m'intéresse vraiment. Bah écoute, je verrai ça quand je lirai Batman. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que les cheveux de Jim Gordon sont revenus. Ah, merci, ta moustache. Nous revoici donc chevelu et moustachu comme jamais. Ah. La main d'Alfred a repoussé aussi. Ah oui, c'est tout vrai. Va bien pour elle. Oui, il avait perdu sa main, c'était pas à cause du Joker ? Si. Ouais, c'est ça. Hein. Dans Endgame. Donc voici qu'il a retrouvé sa main, c'est formidable. Du coup, il peut cueillir plein de fruits sur les arbres, planter des graines. Donc c'est assez cool. Mais du coup, si c'est pas un reboot, c'est pas un changement d'univers, comment sa main a repoussé ? Ben, parce que le personnage qui est revenu dans l'univers la semaine dernière a certainement quand même fait des petites modifications sur la timeline, j'imagine. Oui. Ouais, mais c'est pas expliqué. Non, c'est pas expliqué. Puis il fallait pas compter sur Snyder pour l'expliquer. Ah bah non, parce que de toute manière, Snyder, timeline ou pas, il s'en fout. C'est ça. Donc un numéro intéressant, mais clairement dispensable. Si vous ne devez lire qu'une page, bah, lisez celle où on vous dit ce que va devenir Duke Thomas, enfin quel va être son rôle dans le Batverse. Après, pour le reste, franchement, on s'en fout. Enfin moi, voilà, c'est la seule chose que je retiens. Concernant Green Arrow maintenant. Green Arrow. Écrit par Ben Percy, dessiné et colorisé par Otto Schmidt. c'est le retour du book, ça on nous l'avait bien dit. C'est le retour du Green Arrow qui s'occupe de faire de la justice sociale dans sa ville. C'est intéressant, on le sent dès ce numéro. C'est aussi, comme on nous l'avait promis, le retour du tandem avec Black Canary et de la relation avec Black Canary qui débute dans ce numéro, comme si c'était leur première rencontre finalement. Voilà, ils commencent un peu à se souvenir, on dirait. Il se passe des choses dans la ville. C'est peut-être parmi les quatre celui qui est peut-être le plus intéressant au final. Parce qu'on retrouve un peu le Green Arrow qu'on a aimé, sa relation avec Black Canary, son côté retour à la ville. Voilà, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on retrouve des éléments du run de l'émir ou... Alors, il reste des choses voilà, qui ne sont pas encore arrivées. Voilà. Emiko, par exemple. Elle est toujours ? Je ne l'ai pas vu dans ce numéro. D'accord. Franchement, j'espère vraiment qu'ils vont garder une partie du run de l'émir. Ben Percy, c'est celui qui écrivait Green Arrow juste avant Rebirth. Hein, et il l'avait utilisé, ce personnage. Hein, donc, on la reverra sans doute sous une forme ou sous une autre. Tant mieux, parce que c'était l'un des grands et très bons apports du run de l'émir. Mais pour le moment, non. Ça fait plaisir de voir Otto Schmidt nous dessiner des postures un peu iconiques de Green Arrow, notamment la page où il y a le titre. Vous penserez à moi quand vous le regarderez, vous penserez à ce que j'ai dit. Voilà, il y a une posture de Green Arrow qui est hyper iconique et qui fait vraiment plaisir à voir. Il y a plein de choses intéressantes. Une menace qui se met en place autour de la ville avec des ennemis. Voilà, regardez bien la case qui présente les ennemis. Voilà, il y a une case, vous verrez, il y a plein de petits visages d'ennemis qui apparaissent. Il y a un écran, une case qui nous montre quelqu'un qui normalement n'est pas du tout à Seattle mais dans une autre ville de l'univers DC. Et moi, ça me plaît de voir ça revenir. Après, pour le reste, voilà, c'est surtout centré autour de Black Canary et du tandem qui se reforme. Voilà. Donc Green Arrow, peut-être le meilleur des quatre cette semaine. Green Lantern, scénarisé par Sam Humphries et Geoff Jones, surprise. Ah oui ? Oui, parce que ça n'avait pas été annoncé. Ah la vache, bah dis. Donc j'ai eu la surprise en voyant ça. Moi, je savais que c'était Sam Humphries qui le faisait, mais j'avais pas notion de Geoff Jones. Dessiné par Ethan Van Siver et Ed Benes. Un nouveau pouvoir apparaît dans l'univers des lanternes. D'anciens ennemis reviennent et franchement j'avais pas envie de les voir revenir. C'est qui ? On le sait, hein, c'est les Red Lanternes. Oh pitié ! Qui seront les antagonistes du premier arc, en tout cas de la première saga, hein, voilà, avec un arc qui s'appellera Dawn of the Red Lanterns, The Red Dawn, c'est ça. qui fait écho à Blackest Night, Brightest Day. Maintenant, on a The Red Dawn, une autre période de la journée avec une couleur. Ouais. Le petit clin d'œil là, de ce côté-là est intéressant, sans doute l'apport de Geoff Jones concernant ça. Après, pour le reste, bah, Simon Baz et Jessica Cruz voilà, se découvrent nouveau Green Lantern de la Terre. Donc, on a encore deux Green Lantern de la Terre supplémentaires. Ça commence à faire beaucoup de Green Lantern. Ils se posent eux-mêmes la question et on sent qu'il y a une raison à ce que la Terre ait autant de Green Lantern. Il y a quelque chose qui se prépare et la Terre aura, le secteur de la Terre, le secteur 28-14, aura besoin de beaucoup de Green Lantern pour le défendre. On le sent. D'accord. Voilà. Donc Bon. du coup, voilà. Et puis on va. Ça sent le buddy movie en fait. Le quoi? Le buddy movie. Deux personnages qui a priori se connaissent pas, s'apprécient pas spécialement, mais qui vont être forcés de cohabiter ensemble et de vivre leurs aventures ensemble. Voilà. Ça sent ça. D'accord. Ouais. Entre Jessica Cruz et Simon Baz. Pourquoi pas? Mais j'avais pas envie de voir les Red Lanternes. Enfin voilà, j'avais pas envie de qu'on reparle encore de Simon Baz avec des sous-entendus de Il sert terrorisme. à rien. Enfin. Enfin, il sert à rien. Disons qu'il a pas. Enfin, jusqu'à présent. Enfin, moi, je l'avais découvert à l'époque où il y avait encore James Jones sur le titre. Mais bon, c'était. Enfin, c'était. Il Là, était. il est intéressant. Enfin, Ouais, il est intéressant. la façon dont il s'exprime, dont machin, etc. Il m'apparaît sympathique. D'accord, parce que franchement, il n'était pas super intéressant, quoi. Après, le reste, ouais, c'est bon. Ouais. Si, ça ouvre quand même des choses sur le futur, clairement, avec ce nouveau pouvoir, avec malgré tout le retour des Red Lanternes et compagnie. Et puis le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment aussi. Mais voilà, enfin, oui, ça ouvre plein de trucs. En fait, voilà, ça ouvre plein de trucs sur le futur, mais c'est pas des trucs que j'ai envie de lire. Allez, c'est embêtant. C'est embêtant. On est d'accord. Donc, a priori, Green Lanterns, ce sera sans moi. Ou alors à voir si Urban ressuscite le kiosque. Allez, on finit avec Superman Rebirth, Peter Tomasi et Patrick Gleason, le tandem de Batman and Robin, qui est accompagné de Doug Monke au dessin, un numéro clairement durant lequel il ne se passe rien. Bon, bah. On va le dire franchement, hein, voilà, le Superman de l'univers New 52 est mort, ça on le sait. En gros, bah voilà, la seule chose qu'on va apprendre là-dedans, c'est qu'il ne reviendra jamais. Ah, ça c'est C'est bien. une bonne nouvelle. Voilà. Mais bon, on est dans les comics. Hein. Les jamais, ça dure jamais vraiment longtemps. Donc voilà, du coup, l'ancien Superman est de retour, va reprendre sa forteresse de solitude. Voilà, il y a des choses quand même assez symboliques autour de ça aussi, Bah ça évidemment. c'est bien. Moi j'avais lu vite fait une review sur internet, enfin, sans essayer de me spoiler parce que c'est un titre que je vais lire, que c'était vraiment axé sur l'héritage de Superman et un retour vraiment Ouais, aux non, mais clairement, fondamentaux. il reprend sa forteresse de solitude, il retrouve Lois et Lana. Ah, ça c'est Voilà, bien. il y a Lana Lang dans l'épisode, je crois hein, me rappeler, parce que je l'ai lu un peu le soir tard et j'étais pas très très en forme, mais il me semble bien qu'il y a Lana dedans. Donc oui, il revient, il reprend sa forteresse de solitude, il y a un retour qui est fait sur le moment de sa mort, avec une espèce de reprise un petit peu des cases marquantes version Doug Monke, qui sont assez jolies. Voilà, il y a plein de choses qui nous rappellent le passé de Superman, mais ça reste un truc hyper transition, quoi. C'est vraiment la transition entre les deux. Là, pour le coup, rien ne nous est amorcé pour la suite, ou Bon. presque. Donc c'est un des numéros les plus dispensables. Ouais. Après, moi, honnêtement, enfin, je sais que je le lirai même si c'est en sachant que c'est dispensable. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que nous réservent Gleason et Tomasi sur le titre. Parce que c'est certainement, moi, ça a été certainement l'une des équipes créatives que j'ai adorée, qui m'a le plus Ah bah marqué oui, non mais c'est dans les clair. New 52. C'est C'est sûr. clairement l'un des meilleurs tandems, si ce n'est le meilleur tandem chez DC Comics. C'est sûr que moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Là, voilà, on a un truc hyper standard et voilà, point. On va pas s'attarder sur l'histoire ou quoi. Enfin, il y aura pas, à mon avis, de grosses reprises de ce numéro-là. Mais bon, c'est vrai que toi qui, je crois savoir, est un peu complétiste, effectivement, si tu veux le run complet, il te faut ce numéro. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, pour les 4 titres de la semaine, bon, pas. Voilà, c'est moins bandant, clairement, que DC Universe Rebirth numéro 1, mais on pouvait s'en douter. Bah oui, c'est. Voilà. Fallait se douter qu'il allait bien avoir une transition ou que ça démarra peut-être en douceur. C'est ça. La semaine prochaine, du côté de Rebirth, du lourd, du très lourd, Action Comics numéro 957, Ah. Detective Comics numéro 934. Aquaman Rebirth numéro 1, Flash Ah Rebirth oui, numéro 1 et là. Wonder Woman Rebirth numéro 1. 5 numéros cette semaine. Il y a du lourd, il y a du très lourd. On vous en parle évidemment la semaine prochaine. Ça sera dans le prochain mag du 14 juin. Allez, bonne fin de journée, soirée. Je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez. Et à très vite, soit pour sur vos écrans, soit pour le mag. Salut. Salut.